je ne tiens pas tant aux 10 000 francs en viager, qui feraient près de 500 francs de rente, qu'à la plus entière discrétion, dit Lisbeth. Car voyez-vous, mon bon monsieur Crevel, il est bien excellent pour moi, le baron. Il va me payer mon loyer. Oui, pendant longtemps, comptez là-dessus, s'écria Crevel. Où le baron prendrait-il de l'argent? Ah, je ne sais pas. Cependant, il dépense plus de 30 000 francs dans l'appartement qu'il destine à cette petite dame. Une dame? Comment, ce serait une femme de la société? Le scélérat est-il heureux? Il n'y en a que pour lui. Une femme mariée, bien comme il faut, reprit la cousine. Vraiment, s'écria Crevel, ouvrant des yeux animés autant par le désir que par ce mot magique, une femme comme il faut. Oui, reprit Bette, des talents, musicienne, 23 ans, une jolie figure candide, une peau d'une blancheur éblouissante, des dents de jeune chien, des yeux comme des étoiles, un front superbe et des petits pieds. Je n'en ai jamais vu de pareils. Ils ne sont pas plus larges que son busque. Et les oreilles? Demanda Crevel, vivement émoustillé par ce signalement d'amour. Des oreilles à mouler, répondit-elle. De petites mains? Je vous dis, en un seul mot, que c'est un bijou de femme et d'une honnêteté, d'une pudeur, d'une délicatesse, une belle âme, un ange, toutes les distinctions, car elle a pour père un maréchal de France. Un maréchal de France ! S'écria Crevel, qui fit un bond prodigieux sur lui-même. Mon Dieu, saperlotte, crénom, nom d'un petit bonhomme. Ah, le gredin ! Pardon, cousine, je deviens fou. Je donnerai 100 000 francs, je crois. Ah bien, oui, je vous dis que c'est une femme honnête, une femme vertueuse. Aussi le baron a-t-il bien fait les choses. Il est sans le sou, vous dis-je,